Unité 1, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour Véro, c'est maman. Est-ce que tu pourras aller chercher ta sœur à l'école à 4h30? Je vais chez le dentiste. Je te remercie ma chérie. Je t'embrasse.